Est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Jésus-Christ nous rassure aujourd'hui, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, mais prenez des courage, j'ai vaincu le monde. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi pour nous il déclare aujourd'hui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lève-toi et combat. Avec Jésus, t'es vainqueur. Achète le temps. Car les jours sont mauvais. Oh, Jésus. La parole Jésus est la vérité. Je la garde dans mon cœur et je la mets en pratique. Quelles que soient les circonstances, tout va bien. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant. Oui, d'elle par la croix, car Dieu a tout mis sous ses pieds. Gloire à Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Chacun suit son parcours, écrit son histoire avec Jésus. Yes. D'abord la repentance, ensuite la délivrance. Et Jésus, dans sa grâce, nous donne la vie en abondance. Yeah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.